Puis après, c'est à toi de gérer si tu veux t'entendre plus. Ah, mais il joue pas en même temps. Il joue pas les mêmes. Ah, si, ça y est. Je vais faire partir son truc. Si toi c'est trop fort, c'est là. Ouais, c'est ça, c'est là. Ça ralentit, putain, mais ils ralentissent les mecs ou quoi? Alors. T'as voulu ralentir un mec? Ok, pas de soucis. Thank you. Thank you.